Sors. Je t'ordonne de libérer sa vie. Je te commande. Priez. Sors. Priez. Sors.

Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Je commande que tu sors. Sors tout. Sors de mes bras. La soeur Belgique là, mets ta main droite au niveau de ton cou, de ta nuque, c'est au niveau de ta nuque, ça se trouve là maintenant. Ta nuque, arrête seulement, arrête, laisse-moi prier. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Mets la main seulement. Regarde, il y a quelqu'un qui est au niveau de son cou là. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors tout. Maintiens seulement la main, ne t'inquiète pas. Maintiens la main, c'est pas sorti là. Au nom de Jésus Nazareth. Il faut que celle-ci, il y a quelque chose au niveau de sa nuque là-bas, celle qui est en Belgique là. Au nom de Jésus Nazareth. C'est pas croyable ça. Au nom de Jésus Nazareth. Ne lui parle pas, laisse. Mets la main seulement, ça va que ça suit. Regarde ça. Au nom de Jésus Nazareth. Vous rentrez en deuxième, il n'y a pas de problème. Au nom de Jésus Nazareth. Regarde-moi ça. Ça dans sa nuque, c'est pas bon. C'est pas bon, faut que ceci sorte. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Regarde-moi ça. Waouh. Quitte son cou maintenant. Vous voyez ça? Quitte ton cou maintenant. Ça touche le ventre. Regarde ça. Voilà, maintiens la main là. Au nom de Jésus Nazareth. Maintiens la main juste. Maintiens la main. Au niveau de son dos maintenant. Tout droit, au dos, voilà, là-bas. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Ça va me laisser si je. Au nom de Jésus Nazareth. Mesdames, ma soeur, mets ta main là sur ton ventre. Toi en Belgique, mets la main sur ton ventre, ta main droite sur ton ventre. Et reste tranquille maintenant. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Mais c'est ce que je vais dire. Sors d'elle maintenant. Lâche-la. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle. C'est ta feu. Sors d'elle. Sors d'elle. Priez. Comme on n'a pas encore coupé le jeu, vous avez peur, n'est-ce pas? Priez. Mais c'est simple, vous allez devoir sur le cinéma, maintenant vous voyez. Sors d'elle maintenant, sors d'elle. Toi, quitte ton ventre. C'est terrible. C'est pas possible.

Sors, sors, dis donc, vomis ça. Hey. Sors, tout, tout, tout. Je vais chercher le problème dehors, c'est sur ma tête que vous venez mettre. Tu lui dis, de nous voir avec son mari, d'accord? Avec maladie. Tout. Lâche-la. Lâche-la. C'est pour maintenant par ici là. Mais... Je vais te tuer. C'est toi qui m'as amené ici aujourd'hui. Je vais te tuer. Lâche-la. Qui avait dit ici qu'il devait travailler avec quelqu'un qui avait dit ici qu'il devait travailler? C'était qui? Moi. C'était toi.